En direct et en public depuis le centre des congrès ici à Nantes pour cette nouvelle édition du festival Les Utopias, l'édition consacrée cette année au corps. Que se passe-t-il quand on marie un corps humain et la science-fiction? Eh bien la plupart du temps, un mélange homme-machine, des implants, des membres cybernétiques, c'est l'avènement du cyberpunk, mouvement littéraire initié au début des années 80 par William Gibson et Bruce Sterling, renforcé pour le grand public avec la sortie de la trilogie Matrix au début des années 2000. Le cyberpunk n'est pas qu'un mouvement littéraire, c'est une dystopie politique, un mariage malheureux entre la chair et la technologie, dans une lutte à mort pour savoir lequel des deux, à la fin, gagnera le contrôle de l'autre. Cyberpunk, quand la SF s'incarne, tel est notre programme charnel pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces chairs et ces esprits contrariés par la machine et la technologie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur la grande scène des Utopiales, Licam, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice notamment de Cyberland, c'est chez Mu Éditions. Gwenaëlle Gaffric, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature chinoise à l'université Jean Moulin Lyon 3, spécialiste des littératures de l'imaginaire dans le monde sinophone et, ça n'est pas rien, traducteur de l'excellente et magnifique trilogie des trois corps de Liu Cixin. C'est aux éditions Actes Sud. Et bonjour, Raphaël Granit-Cassagnac. Bonjour Nicolas. Vous êtes physicien, romancier, auteur notamment de Thinking Eternity, c'est chez Mnemos. Mais avant d'aller plus loin dans l'implantation de membres cybernétiques, elle est garantie 100% pure chair et 100% pure actualité scientifique de la semaine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer ce Journal des Sciences, on sait plus sur le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée avec les dernières données du très grand télescope Gravity de l'Observatoire austral européen. Oui, c'est toujours un défi d'essayer d'observer un trou noir puisqu'on ne peut pas le voir. Un trou noir n'émet pas de lumière. Ça fait longtemps que l'on sait que ce trou noir supermassif existe. On a vu des étoiles tourner autour d'un centre invisible qui fait l'équivalent de 4 millions de fois la masse du Soleil. Or, on ne connaît pas d'état de la matière qui ne fasse pas de lumière lorsqu'elle est si concentrée avec une telle masse. Alors là, ce qu'on a observé avec Gravity, c'est l'environnement immédiat du trou noir Sagittarius à étoile, c'est-à-dire les émissions de rayonnement infrarouge polarisé en provenance du disque d'accrétion qui entoure Sagittarius à étoile. Alors dans notre compréhension du trou noir galactique, ce qui s'est passé là est une avancée majeure. Jamais les astrophysiciens ne s'étaient autant rapprochés d'un trou noir. Thibaut Pomari est chercheur à l'Observatoire de Paris et travaille depuis 15 ans sur la mission Gravity. Pour vraiment démontrer définitivement qu'il s'agit bien d'un trou noir, il faut aller chercher des phénomènes qui se passent à une échelle qui est vraiment minuscule. Dans les années 90 et 2000 en particulier, on a eu des orbites d'étoiles. On a vu des étoiles tourner autour d'un point qui émettait très peu de lumière, donc détecté dans le domaine radio sous cette forme qu'on appelle SGRA étoile. Mais même l'étoile S2, ça reste assez loin du trou noir, c'est-à-dire au plus près, l'étoile est passée à 17 heures-lumière du trou noir. Or, on veut arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de quelques minutes-lumière. Et c'est ce qu'on fait dans la publication là dont on parle aujourd'hui. Et jusqu'à ce qu'on publie ce papier, on pouvait aussi envisager que ce soit quelque chose d'autre. Par exemple, une étoile bosonique, qui est un type d'objet encore plus exotique que le trou noir, qui ne possède pas d'horizon des événements. Et là, en allant voir quelque chose qui tourne aussi près que ça du centre de gravité, on voit que ça ne peut pas être une étoile bosonique. On voit que donc, le seul objet vraiment raisonnable qui reste, c'est bel et bien le trou noir. Plus récemment, en juillet dernier, deux éruptions de lumière qui ont duré entre 30 et 90 minutes ont permis d'identifier du gaz ionisé qui tourne à 30% de la vitesse de la lumière autour de Sagittarius à étoile. Donc là, il se passe quelque chose qui est vraiment typique d'une très grande concentration de matière, ce qui est ce qu'on attend d'un trou noir. Avec cette étude aujourd'hui, ce qui est révolutionnaire, c'est d'être aussi près du trou noir et de pouvoir confirmer, de fait, la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'astrophysicien David Elbaz nous en parle. Les ondes gravitationnelles sont aujourd'hui aussi en train de nous permettre d'aborder l'environnement proche des trous noirs et de mieux comprendre cette physique qui ne s'écarte pas, d'après les observations actuelles, du tout de la théorie d'Einstein. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que pour les théoriciens, c'est surprenant. Alors pourquoi est-ce que c'est surprenant que l'on confirme la théorie d'Einstein ? Ben, tout simplement parce qu'au centre d'un trou noir, l'énergie devient infinie. Or, une énergie infinie, c'est quelque chose que les mathématiques, la physique, ne savent pas traiter. Et donc, on pense qu'il doit y avoir une façon de compléter la théorie d'Einstein, de l'améliorer. Elle doit être une théorie incomplète, imparfaite. Et donc, on attend de voir, en s'approchant des trous noirs, des signatures possibles de cette modification de la loi de la gravité d'Einstein pour voir si d'autres théories commencent à émerger. Et pour l'instant, que ce soit à travers les ondes gravitationnelles ou à travers des études d'étoiles ou de gaz qui tournent autour du centre des galaxies, Einstein a raison à 100%. Et c'est profondément troublant. En bref, Rescuyatin Paché à court de carburant, Kepler, le télescope spatial de la NASA, vient de rendre l'âme après 10 ans de bons et loyaux services. Kepler, le tracker de planètes, sur les 3800 exoplanètes connues à ce jour, Kepler en a découvert 2181, dont 30 considérées comme potentiellement habitables. C'est aussi grâce à lui que l'on sait qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie. Alors pour de nouvelles explorations astronomiques, la relève est prise depuis avril dernier avec le lancement du télescope TESS. TESS aura lui pour mission l'étude de la composition de leur atmosphère. Ça ne vous aura pas échappé, novembre c'est le mois sans tabac, sourire dans l'Assemblée. Il s'ouvre en tout cas avec un rapport assez inquiétant, le dernier rapport santé de Public France. Chez les femmes, le tabac tue deux fois plus qu'il y a 15 ans, Natacha. Et entre 2000 et 2014, la mortalité par cancer du poumon a augmenté de 71% chez les femmes. Depuis les années 70, le tabagisme féminin ne cesse d'augmenter. De plus en plus nombreux à fumer, aujourd'hui 24% des femmes fument. L'étude dit aussi que dans un avenir proche, le cancer du poumon devrait devenir la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein. Deuxième sujet de ce journal des sciences, la découverte d'une nouvelle espèce d'Archéoptérix. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le dire. Merci beaucoup pour ce showstrap, Natacha. Baptisé Archéoptérix albersdorferi, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est en tout cas le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. C'est l'un des fossiles les plus connus au monde. On l'appelle d'ailleurs l'icône de l'évolution. Vous pouvez même vous faire une idée de ce à quoi il ressemble. Il y a le cabinet de curiosité là-bas au fond. Il y a une reconstitution d'un spécimen similaire. Et donc, sa découverte a contribué à appuyer la théorie de l'histoire évolutive des oiseaux, selon laquelle les oiseaux descendent des dinosaures théropodes. Il existe 12 fossiles de ce dinosaure-oiseau. Les chercheurs ont étudié le fossile géologiquement le plus jeune, qui est vieux de 147 millions d'années quand même. Et l'Archéoptérix fait toujours débat chez les paléontologues. Était-il seulement un petit dinosaure couvert de plumes et surtout, savait-il voler ? Alors la microtomographie synchrotron du fossile a révélé qu'ils étaient plus proches de l'oiseau que du saurien. Le paléontologue Per Alberg a participé à cette étude. Il nous raconte comment cette technologie a révélé des fragments d'os jamais vus auparavant. La machine elle-même est un grand anneau de quelques mètres de diamètre sous lequel les électrons volent presque à la vitesse de la lumière. En appliquant un champ magnétique, ils émettent ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron, ce qui est en fait des rayons à très haute énergie avec des caractéristiques qui ressemblent à celles du laser. En fait, nous pouvons prendre un fossile comme celui-ci et nous pouvons visualiser tous les os, ceux qui se trouvent à la surface du bloc et ceux qui sont en dessous du bloc. On peut ensuite les extraire. Après ça, nous nous sommes dit « oui, c'est un archéoptérix », mais des détails diffèrent du matériel courant des vieux archéoptérix. Et d'une façon intéressante, des différences qui peuvent être associées à de meilleures capacités de vol apparaissent. Comme par exemple les os à la jonction du bras et de la main, le poignet. Ils sont d'une certaine façon plus ossifiés, plus solides que ceux de l'ancien archéoptérix. Ils ont comme fusionné avec les os de la main, ce qui laisse entendre une construction plus robuste et solide, et donc de meilleures capacités pour le vol. Un jour tyrannosaure, le lendemain poule, l'évolution est parfois cruelle. En bref, mardi, la publication du rapport Planète Vivante 2018 de la WWF, 60% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 44 ans. En cause, l'ensemble des activités humaines, agriculture, élevage et pêche intensive, déforestation, dégradation et imperméabilisation des sols, dérèglement climatique, pollution, plastique. Les scientifiques constatent une accélération de la perte de la biodiversité, c'est la fameuse grande accélération. Le rapport parle d'une crise biologique majeure. Et à ce rythme, 25 à 50% des espèces auront disparu d'ici 2050. Selon l'étude du Center for Environmental Science de l'Université du Maryland, les dauphins ont modifié la fréquence et la complexité de leurs messages. Et c'est ce qu'a révélé l'analyse de 200 enregistrements d'appels des grands dauphins. Leurs sifflements sociaux se sont simplifiés. La raison, les dauphins ne s'entendent plus. Entre trafic maritime et exploitation des fonds marins, les océans sont de plus en plus bruyants. Et malgré le lobbying des industriels du plastique, le Parlement européen a voté mercredi pour l'interdiction de la production de produits en plastique à usage unique. C'est-à-dire coton-tige, paille, couvert et même touillette. À eux seuls, ils représentent 70% des déchets dans les océans. Les eurodéputés espèrent que cette nouvelle directive aboutisse pour 2019 avec une entrée en vigueur pour 2022. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, une improbablo spéciale utopiale, puisqu'on va parler de cyberpunk, et on va parler aujourd'hui, Natacha, de sexbots, puisque dans son dernier essai, la chercheuse en informatique Kate Devlin s'est posé une question qui nous intéresse aussi ici. Les robots sexuels deviendront-ils un jour grand public ? Alors ça peut vous réjouir ou au contraire vous attrister, mais la réponse est non. C'est ce que nous explique donc cette spécialiste des relations homme-machine dans son essai Turn One, Science, Sex and Robot, paru en octobre. Et l'informaticienne s'est intéressée aux effets psychologiques de ces super sextoys améliorés avec leur faculté intellectuelle supérieure à la poupée gonflable. Alors oui, un attachement est possible, hein, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet Tamagotchi, mais selon elle, jamais une intelligence artificielle ne pourra produire cette fameuse intimité interhumaine. Donc contre tout sensationnalisme, le marché des robots sexuels est une niche et le restera. Je ne sais pas si vous s'en réjouir ou s'en attrister. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve Merci. La semaine prochaine. Caranaza numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape Lock Motor 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger. Tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce des piquets. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3. Ramenez point 0. Latéral ne répond plus. Je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, rupture... Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Voilà, si vous avez un peu plus de 30 ans, ce générique vous est forcément familier, The Six Million Dollar Man, qui a pris un peu d'inflation en français, puisqu'il vaut 3 milliards, cet homme, une série grand public, qui a popularisé le mythe du cyborg, qui est une adaptation d'une tétralogie, d'ailleurs intitulée Cyborg par Martin Kaidin. On est en 1972, on anticipe donc de quelques années les pères fondateurs du mouvement littéraire cyberpunk, William Gibson et son neuromancien, c'est en 1984, Bruce Sterling pour l'anthologie Mozart en vert miroir, Mirror Shade, en 1986, deux ans avant la parution d'un jeu de rôle qui va fixer un peu cet univers dans l'imaginaire collectif cyberpunk, hein, qui fera office, on va en reparler certainement un peu de manifeste de ce mouvement littéraire. Alors 30, 40 ans après, alors que les implants cochléaires pour retrouver l'audition, les prothèses à boucle de rétroaction, hein, qui peuvent être contrôlés par la pensée, et les implants neuronaux invasifs ou non, qui permettent d'initier une forme de dialogue, peut-être sommaire pour le moment, mais en tout cas un dialogue avec la machine. Que reste-t-il de cette dystopie originelle du cyberpunk, de ce mouvement littéraire et politique du début des années 80, entre le corps et la machine? Qui a gagné ou qui a perdu cette impossible confrontation? Nous allons en parler tout au long de cette heure avec Licam, autrice de Cyberland chez Mu Édition, Gwenel Gaffric, maître de conférence en langue et littérature chinoise à l'université Jean Moulin Lyon 3 et traducteur de Liu Cixin chez Actes Sud, et Raphaël Granit-Cassagnac, physicien et romancier, auteur entre autres de Thinking Eternity chez Mnemos. La question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette table ronde, c'est: est-ce qu'aujourd'hui l'ère du cyberpunk est advenue? Raphaël Granit-Cassagnac. Presque oui, pour moi on s'en rapproche énormément. Pour moi dans le cyberpunk il y a essentiellement trois choses. Il y a la cybernétique, il y a les technologies de l'information et il y a la dystopie. Alors, je crois qu'on avait pas mal avancé sur les technologies de l'information ces dernières années. Hein. On dit souvent que Gibson préfigurait Internet et maintenant on vit dans un monde extrêmement connecté Vous avez tous des téléphones portables, vous savez tous qu'il y a vous avez tous Facebook, il se passe des échanges d'images et bien plus absolument tout le temps. Et côté dystopique, je pense qu'on avait pas mal avancé aussi. Des grosses icônes dans les ouvrages de cyberpunk, c'est les mégacorporations. Et les mégacorporations aujourd'hui, elles sont là. Il y a dans les 100 ensembles les plus riches, il y a plus de corporations que d'États aujourd'hui. On y est arrivé. Là où on était un petit peu en retard, je pense, c'est sur la cybernétique justement. Nicolas Martin, comme vous venez de le signaler, effectivement, c'est en train d'arriver. Les implants cochléaires, moi, je pense souvent à, quand on parle cybernétique, alors c'est purement mécanique, mais c'est quand même intéressant à Pistorius, l'athlète qui est le premier à avoir été médaillé dans une compétition d'hommes dits valides. Et il y a eu des débats extrêmement forts sur est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous de l'humanité. Alors pour l'instant, il a été coté comme étant au niveau de l'humain, il a eu le droit de concourir avec les valides. Mais demain, je pense qu'il faudra créer des jeux méta-olympiques pour les gens qui seront plus forts que les humains non augmentés. L'ICAM, votre opinion sur l'avènement ou non du cyberpunk finalement comme réalité quotidienne aujourd'hui ? Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les mondes virtuels. J'ai remarqué qu'ils sont de plus en plus à la mode avec les réalités immersives. Par contre, l'idée d'avoir des implants cérébraux qui nous permettraient de nous incarner dans une réalité virtuelle, on n'y est pas encore. Mais on a déjà les casques de réalité immersive, on est déjà dans des interactions relativement fines, avec des univers de plus en plus élaborés. C'est cet aspect-là qui m'intéresse et je vois qu'on y va de plus en plus, qu'on va de plus en plus loin sur ces aspects. Oui, le Gaffric. En fait, je pense qu'il y a deux manières d'aborder ce qu'est le cyborg. Il y a le cyborg sur lequel on va greffer véritablement des parties électroniques, mécaniques, etc. Et il y a ce que présente un peu la philosophe Donna Haraway aussi, qui a écrit un célèbre manifeste du cyborg, sur le fait qu'on est tous aujourd'hui des cyborgs dans la mesure où notre identité, notre mémoire se développe également dans la réalité virtuelle. Alors pour ce qui me concerne un peu en particulier, ce qui m'intéresse, la Chine par exemple, puisqu'on est dans un festival de science-fiction, de littérature aussi, c'est la littérature qui s'incarne aussi dans le cyberespace. La grande mode aujourd'hui, c'est un phénomène littéraire, éditorial en Chine, c'est ce qu'on appelle la cyberlittérature, qui n'est pas une niche, puisque si on compte, alors c'est toujours à l'échelle chinoise, mais 350 millions de lecteurs, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez parfois dans les transports en commun des Chinois qui lisent sur leur téléphone portable, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils lisent des romans. Et c'est la littérature qui s'incarne, qui se produit, qui se consomme, qui se lit, qui se discute dans le cyberespace, à travers des identités qui sont des identités cybernétiques, en avatar, en internaute, en fan-roameur, avec cette dimension que finalement, même en tant que lecteur, même en touchant la littérature, on est déjà un cyborg aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de la façon dont cet imaginaire du cyberpunk, on va l'appeler comme ça, peut-être qu'il faudra le redéfinir d'ailleurs, mais cet imaginaire, cette dystopie cybernétique, puisque la cybernétique à l'origine, c'est une utopie positiviste, elle a beaucoup intégré d'éléments asiatiques. On peut penser évidemment à Philippe K. Dick, à Blade Runner, l'Asie a une grande part dans le métissage culturel. Mais néanmoins, ça reste une littérature très occidentale. Comment a été reçue aujourd'hui, vous êtes traducteur, je le rappelle, de Liu Cixin, on a la trilogie des trois corps, mais qui a écrit aussi d'autres romans que vous avez lus. Comment est-ce que cet imaginaire, il a contaminé en tout cas la littérature de science-fiction asiatique, Gwenaël Gaffric? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Liu Cixin, qui est connu en France pour cette trilogie du problème à trois corps, est aussi l'auteur du premier roman cyberpunk en Chine. Alors, pour resituer un petit peu le contexte de ce roman, on est en 1989, donc 5 ans après l'apparition du Neuromancien, qui est donc le grand classique du cyberpunk américain. À un moment, en 1989, où ni Sterling, ni Gibson, ont été traduits en chinois. 1989, simplement aussi pour recontextualiser politiquement le roman, le roman est publié sous forme sérialisée dans une revue 2 mois avant la répression politique sur la place Tiananmen. C'est un moment en Chine où, juste avant la répression politique, les jeunes chinois aspirent à plus de démocratie. Et Liu Cixin a déjà cette dimension que la démocratie peut aussi passer par le virtuel. Et en même temps, voilà, la répression politique va mettre un terme à cette utopie-là. Donc on est dans ce contexte-là, et donc Liu Cixin écrit ce roman, dont le titre est Chine 2185, qui est encore inédit en français et en anglais, et qui donc situe son roman, comme le titre l'indique, en 2185, ce qui correspond aussi à un certain optimisme, où la Chine est concrètement, dans la réalité, devenue une démocratie, avec à sa tête une jeune présidente élue au suffrage universel direct. Et pour raconter un peu l'histoire, ce qui fait le lien avec le cyberpunk, c'est l'histoire d'un ingénieur qui arrive à se faufiler un petit peu par effraction dans le mausolée de Mao Zedong sur la place Tiananmen, qui arrive à créer un hologramme à partir du cerveau de Mao, décédé. Et à partir de cet hologramme, il va pouvoir en extraire des informations, créant par là un Mao virtuel qui va exister dans le cyberespace. Il faut savoir qu'on est en 1989, Internet arrive en Chine en 1994. Et Mao, ce Mao virtuel, va créer, fonder une république alternative, une république virtuelle, qui va petit à petit prendre plus d'épaisseur et qui va menacer la république concrète, physique, tangible de la Chine. Là où c'est intéressant, c'est que c'est la république virtuelle qui va poser, peut faire peser une menace sur la république concrète, avec là encore, en recontextualisant un petit peu, ces aspirations des jeunes Chinois à l'époque d'une démocratie, et en même temps la peur, et qui transparaît dans le livre, des vieilles idées maoïstes, d'un spectre maoïste, du spectre de Mao, qui va continuer à hanter la Chine, même deux siècles après. Likam, comment est-ce que vous vous appropriez, vous, aujourd'hui, en 2018, effectivement, à cette heure où le cyberpunk pourrait presque se traduire en transhumanisme? Aujourd'hui, il y a des apôtres comme Ray Kurzweil qui imaginent connecter un cerveau à Internet en 2030. C'est-à-dire qu'on est, ce qui était devenu un mouvement littéraire, une dystopie littéraire, est devenu quasiment aujourd'hui un programme de recherche. Enfin, ça s'est incarné dans la réalité. Comment est-ce qu'on s'en empare en tant qu'auteur? À travers une anxiété. C'est-à-dire que le cyberpunk, c'est jamais très joyeux, on peut vous le dire, hein, on va pas passer un très très bon moment. Le cyberpunk, c'est quand même un peu la faillite de la société, la faillite de la démocratie, enfin tout, ça marche pas très bien, quoi. Moi, j'ai eu envie d'écrire sur ce thème justement parce que c'est un thème qui m'angoisse. Et tout ce qui est de l'ordre de la numérisation de l'esprit, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse se désincorporer, qu'on puisse n'être que pur esprit, et à l'inverse, l'idée que l'intelligence artificielle puisse s'incorporer et interagir avec nous dans le monde réel, c'est des idées dont j'ai besoin de m'emparer pour m'y faire et pour préparer peut-être un avenir qui arrive assez rapidement. On parle de 2035, 2045. Pour moi, c'est demain. Donc s'emparer de ces idées, s'approprier déjà ces techniques et penser un peu plus loin, c'est impératif. Votre personnage, notamment dans Cyberland, Innocenti, c'est un peu prendre le cyberpunk à l'envers, c'est-à-dire que c'est implémenter une machine dans un corps. Oui, dans Cyberland, en fait, l'intelligence artificielle commence par mettre en place un monde virtuel. Elle se développe dans ce monde virtuel et assez rapidement, elle a envie de connaître les humains, donc elle commence par les absorber dans le monde virtuel. Elle leur fait faire des expériences pour apprendre à les connaître. Et au bout d'un moment, se rendant compte que ça ne marche pas, elle se dit que peut-être elle pourrait les reprogrammer, mais ça ne marche toujours pas, donc elle a besoin de s'incarner. Et là, elle s'incarne dans un clone et elle est confrontée à la limitation du réel. Elle est aussi, on va dire, elle est aussi diminuée dans le réel que les humains sont diminués dans le virtuel. Et elle ne sait pas très bien comment s'approprier ce cerveau biologique. C'est vraiment le problème est retourné. C'est-à-dire que c'est face à un humain qui ne serait pas programmé un serveur vierge. Là, elle se retrouve face à un organe biologique face auquel elle est un peu... Voilà. Elle se retrouve... Donc du coup, elle a l'habitude d'interagir dans le monde virtuel. Elle a tout à sa disposition, toutes les connaissances de l'humanité. Il suffit qu'elle pense, elle peut aller chercher l'information. Tout d'un coup, elle s'incarne, en plus dans une prison dans laquelle il n'y a plus l'information. Il ne reste plus de livres, elle n'a plus accès à rien, il lui faut enregistrer dans la matière vivante de son cerveau, et ça se passe pas très bien. Raphaël Granit-Cassagnac, dans l'anthologie des Utopiales que vous pouvez vous procurer là, ici, pendant le festival, vous avez écrit une nouvelle qui est assez passionnante, qui s'appelle « La machine de l'année », et où vous rejouez cette lutte éternelle qui est la lutte... en général perdu du cyberpunk, de la machine contre l'humain, lequel des deux, étant implémenté, va finir par perdre et va céder du terrain. C'est quand même souvent l'humain qui perd. Oui, alors, petite précision, c'est dans l'anthologie d'il y a deux ans. Il y a deux ans, pardon, pour moi. Dont le thème était la machine, justement, donc la machine de l'année. Oui, donc moi, dans mes romans et donc dans cette nouvelle, je parle pas mal de cybernétique, c'est-à-dire d'implants cybernétiques, de gens qui commencent à se greffer des implants mécaniques et puis électroniques et puis avec lesquels on peut directement interagir. Et dans cette nouvelle, oui, je parle du milliardaire qui s'appelle John Tao, qui est un milliardaire qui fonce dans la direction de la cybernétique. Donc c'est un peu comme si demain Larry Page ou un de ces autres milliardaires des GAFA là se mettait à fond là-dedans et se greffait lui-même. Et donc il fonce dans cette aventure-là. Ça commence par. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça la porte ouverte à la cybernétique, c'est la santé en fait. Il commence un peu malgré lui par avoir une greffe de cœur. Et il bénéficie de la première greffe, disons, d'un cœur augmenté dans lequel il y a de l'électronique. Et tout de suite, et je veux surtout pas lever le mystère, et même dans la nouvelle, je le lève pas. Tout de suite, il entend son cœur. C'est-à-dire, il a une petite voix intérieure, un peu comme Jeanne d'Arc, qui lui parle. Et on sait jamais si c'est lui qui l'invente. C'est-à-dire que s'il s'invente un espèce de compagnon imaginaire parce qu'il a parce qu'il est envahi, son corps est envahi par quelque chose. Donc, est-ce que c'est la prothèse qui lui parle ou lui qui parle à sa prothèse? Je lève jamais le débat, mais toujours, enfin, je réponds jamais à la question. Mais toujours est-il que oui, cette petite voix le contredit parfois. Et même il y a une scène où à un moment il a à la fin une arme dans son bras. Ça viendra. Hein. Il y aura des guerriers qui auront des armes. C'est même assez proche, je pense. Qui voudrait bien agir et il arrive à la retenir, mais on ne sait jamais si c'est. Donc, moi, j'ai pas envie de répondre à la question. Je suis pas sûr qu'on sache encore qui va gagner. J'espère qu'on ne sait pas. Cette question, qui gagne de l'homme ou de la machine, la littérature cyberpunk en général tranche assez généralement contre l'homme, pour la machine. Gwenaël Gaffric. Je pense que effectivement la question a été abordée, c'est celle aussi du transhumanisme et de cette quête d'immortalité. En fait, on retrouve la même chose chez les milliardaires chinois que les milliardaires du GAFA. Et c'est l'illusion selon laquelle arriver à télécharger sa mémoire, son vécu dans la machine, une manière d'affronter, de faire face au défi ultime qui est celui de la mort. Nikam, sur... Disons qu'on est dans une situation maintenant où la différence entre l'homme ou la machine devient de plus en plus ténue. Avec les recherches actuelles, on va dire, de convergence entre les nanotechnologies, la bio-ingénierie, l'informatique, les neurosciences, on sent qu'on va dans un sens où la différence homme-machine sera de plus en plus difficile. On aura des clones. Est-ce que ce sont des humains ou des machines? Des clones programmables ou est-ce qu'on est dans le domaine de l'humain ou dans le domaine de la machine? Pour moi, les recherches actuelles vont plutôt dans un sens de convergence et dans un sens où ça sera de plus en plus difficile de faire la différence entre l'homme et la machine. Raphaël Granité, je pense que c'est quand même à moyen terme. Ça. À court terme, je pense que la vraie chose qui... Enfin, il y a deux choses assez différentes. Il y a l'implant cybernétique, et ça, je pense qu'on y est. Il commence à y avoir des vrais exemples, des vraies expériences qui sont faites sur des différentes formes d'implants. La numérisation de l'esprit, je pense qu'on n'y est pas tout de suite. Il y a un gros verrou technologique à lever avant d'y arriver. C'est de l'imaginer. C'est programmatique pour Elon Musk, avec sa société Neuralink, qui veut pouvoir, à un moment donné, effectivement numériser entièrement. Vous parliez des armes implantées dans les soldats. Alors, il n'y a pas encore d'armes dans les soldats, mais néanmoins, la DARPA, qui est l'agence militaire américaine, aujourd'hui, travaille sur des implants neuronaux profonds, c'est-à-dire invasifs, qui pourraient permettre de réduire le stress au combat et de lutter contre les doutes, c'est-à-dire d'enclencher un peu les soldats. Ce sont des recherches tout à fait réelles. Peut-être un mot pour revenir sur cette histoire du mouvement cyberpunk qui a été, on l'a dit, théorisé ou en tout cas fixé par William Gibson et Sterling en 84 et 86, mais quelques années, tout juste après... Eh bien, il y a un film qui va aussi fixer cet imaginaire très fort pour le grand public. Écoutez. La méthode scientifique, Nicolas Martin. L'adrénaline, un trou cardiaque. Adrénaline. Voilà. Surveillez l'attention. Arrêt cardiaque. Essayons un dernier choc. Si ça ne donne rien, on abandonne. Écartez-vous, tout le monde. Écartez-vous. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait. L'heure du décès ? 18h15. Tranché. Que se passe-t-il ? Nous avons pu sauver le bras gauche. Pardon ? On était d'accord pour une prothèse organique totale, alors couper le bras gauche. Mais enfin, Morton. Est-ce qu'il peut comprendre ce que je dis ? Aucune importance, on va lui effacer la mémoire. Amputez-le. Son épiderme sera fait de cet alliage. Du titane laminé avec du Kevlar. Allez-y, serrez-lui la main. Ouais. Quelle force! Il a une sacrée poigne. 200 kilos de pression. Greffez ce bras sur son épaule. Voilà, vous aurez reconnu un extrait de Robocop de Paul Verhoeven. Nous sommes en 1987. Alors là aussi, on disait tout à l'heure, le cyberpunk est un mouvement extrêmement politisé. Le film de Verhoeven est un film éminemment politique, Raphaël Granit-Cassagnac. Alors, je ne me souviens pas du tout de la dimension politique, mais j'étais petit. J'étais jeune et innocent encore. Vous vous souvenez juste de l'homme qui fond dans l'acide, oui, c'est et, ça et ce que moi, on, c'est une réflexion qu'on a un peu aux Utopiales, ce qui est très intéressant, je trouve, pour moi, c'est le premier film cybernétique occidental, et dans lequel l'homme cybernétique, il n'a que des outils. On l'entend bien dans l'extrait, il se greffe des outils. Et il y a peu de questions dans ces premiers films sur l'interaction, enfin le côté invasif qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la machine peut prendre le contrôle de l'homme? Est-ce que l'homme peut prendre le contrôle de la machine? On aborde la chose comme dans L'Homme qui valait 3 milliards, vraiment sous l'aspect outil, quoi. Mais par ailleurs, dans L'Homme qui valait 3 milliards, même si effectivement aujourd'hui on le regarde avec des yeux peut-être un peu, c'est un peu kitsch, c'est un peu vieilli, mais néanmoins les thèmes sont posés. C'est-à-dire qu'il y a le problème du rejet, c'est-à-dire que les implants, à un moment donné, Steve Austin a une sorte de double négatif qui a été plus greffé que lui, qui est le premier homme qui valait 500 millions de plus et qui lui devient fou parce qu'il a trop de cybernétique. C'est-à-dire qu'on est vraiment déjà dans ces thématiques qui vont être les thématiques centrales du cyberpunk, Gwenaël Gaffric. Dans le cyborg, c'est cet être hybride par excellence. Donc c'est à la fois, dans le cas de Taïwan par exemple, tout le mouvement cyberpunk a été associé dans les années 90 au mouvement d'émancipation des femmes et des homosexuels, des mouvements LGBT. Et la figure du cyborg en tant qu'être hybride, justement, en tant qu'être difficilement identifiable, difficilement définissable, quelle est la proportion d'organique, quelle est la proportion de mécanique, a été utilisée dans la science-fiction taïwanaise, dans le cyberpunk taïwanais des années 90, pour justement mettre en question, interroger ce déterminisme biologique qui est un déterminisme sexuel, qui est un déterminisme social, avec cette accordance entre le corps social, le corps sexualisé, etc. Et c'est là où on retrouve un aspect un peu punk, c'est-à-dire que à travers la figure du cyborg, qui généralement échappe un peu à ses créateurs parce que justement elle est de nature hybride, on va interroger ce qui forme le corps humain, le corps social, en montrant la manière dont on peut aussi perturber ce qui est figé à l'origine. L'ICAM ? Sur la question politique, effectivement, ça pose question que le premier cyborg soit une arme qui a été créée par un grand consortium pour remplacer l'homme, qu'on sent comme faillible en tant que gendarme ou gardien de la paix. Et là, on a un homme qui est un cyborg, qui est complètement mécanisé, mais dont on a effacé la mémoire parce que justement, les émotions et ce qu'il a vécu, c'est pas considéré comme un atout, mais comme un défaut. Et par ailleurs, alors pour le coup, chez Verhoeven, effectivement, c'est l'homme finit par prendre le pas sur la machine, mais c'est un exemple plutôt rare. Je le disais tout à l'heure, à l'origine, la cybernétique, c'est un mouvement qui est issu de la pensée hippie, de la pensée beatnik, qui est plutôt une utopie positive. C'est-à-dire qu'au début, on se dit la machine, le robot, l'augmentation doit nous permettre de dépasser notre condition, de rendre les hommes meilleurs. Le cyberpunk, c'est un peu le côté noir, l'autre côté du miroir de cette utopie beatnik et hippie, Raphaël Granit-Cassagnac. On verra ce qu'on fera. Comme tous les progrès techniques, hein, on peut en faire le pire comme le meilleur. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on arrivera. Enfin, toute la question d'ailleurs, c'est combien ça coûtera. Est-ce que ça coûtera 3 milliards ou pas? Si ça coûte très cher, ce sera dans les mains de très peu de gens auxquels que nous, société, on aura du mal à contrôler. Si le coût des prothèses cybernétiques diminue, et si ça devient de plus en plus grand public, je pense que la société aura un contrôle positif là-dessus et que peut-être ça deviendra une utopie un peu positive, mais j'y crois pas beaucoup parce que ça va être très cher. Au moins au début, ça va être très cher. Gwenaël Gaffric, peut-être sur cette question. Le cyberpunk apparaît dans les années 80 et en fait, je vous soumets ça à tous les trois et vous me dites ce que vous en pensez. La cybernétique à l'origine, c'est une utopie issue du mouvement beatnik, donc des années 70, donc très ouverte, très positiviste. Ça va nous permettre de nous dépasser, de nous rendre meilleurs. Le cyberpunk serait une sorte de réponse un peu réganienne, c'est-à-dire que d'un seul coup, on est dans les années 80, le fric est arrivé, les grandes corporations, la concentration des pouvoirs, l'espoir est parti, et donc d'un seul coup, bien cette espèce d'utopie s'effondre et donne le cyberpunk. Qu'est-ce que vous en pensez, Gwenaël Gaffric ? C'est toute cette dialectique entre post-humanisme et transhumanisme. Raphaël vient d'en parler, le transhumanisme, c'est le fait de vouloir transcender le corps pour vivre plus longtemps, vivre en meilleure santé, et qui reproduit en fait une logique de classe sociale, parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas s'offrir un corps amélioré. Et de l'autre côté, le pan peut-être plus, alors pas humaniste, mais post-humaniste, c'est justement dépasser ce qui correspond aux carcans, aux limites physiques, pour aller explorer des nouveaux territoires, pour dépasser des binarités, celui de l'homme et de la femme, celui de l'animal, du non-humain et de l'humain. Donc il y a cette double dimension, un mouvement plutôt militant et un mouvement qui finalement reproduit certaines particularités qui étaient propres aux classes sociales aisées. Likam, qu'est-ce que vous en pensez ? Et Raphaël après. C'est vrai que de prime abord, on peut avoir une idée un peu utopique, puisqu'on se dit que grâce à la machine, on va pouvoir dépasser l'humain et dépasser plusieurs de ces dualités, homme-femme, maître-esclave, travailleur-concepteur. Toutes ces dualités, on va pouvoir les dépasser, mais en même temps, ça, c'est l'utopie. Une fois qu'on est vraiment face à la réalité et que la technologie est entre les mains du plus grand nombre, ce qui en ressort, c'est rarement l'utopie. Ça peut être effectivement un aspect plus mercantile, ça peut être un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, l'armement. L'utopie, elle est là pour nous donner une orientation. Après, il faut se confronter à la réalité et peut-être essayer d'orienter cette réalité du côté de l'utopie. Mais on reste toujours contingenté par certaines personnes ont une volonté, veulent aller dans ce sens-là. Et c'est à nous, peut-être citoyens, de réfléchir à ces questions. Raphaël Grenke, oui, ou Gwenaël Gaffrey, quasi. Non, c'est vrai que la cybernétique, c'est aussi un moyen de contrôle. Et on le ressent alors en Chine, mais aussi en France et dans tous les autres pays. Le fait que l'utopie de l'ouverture totale, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dialoguer avec plein de gens, a aussi l'autre côté et l'autre face de la pièce, c'est qu'on est lu, c'est qu'on peut être épié. Alors c'est d'autant plus dramatique quand c'est le cas d'une dictature, mais même dans le cas d'une démocratie qui marche plus ou moins bien, on est toujours épié, contrôlé, surveillé. Et donc c'est une utopie qui peut effectivement s'inverser en fonction des régimes politiques auxquels ils sont, dans lesquels ils sont placés. Raphaël Granit, sur la réponse négative, je pense dans le cyberpunk, il y a la crainte que pour le créateur que sa créature lui échappe, et c'est une crainte qu'on retrouve un peu partout. Donc il y a la crainte que le cyborg ne dépasse l'homme qui n'est pas encore augmenté. Il y a la crainte que les méga corporations qui sont des créations humaines hein, quand même au final, enfin au début, nous dépassent et une espèce de vie autonome et nous écrasent ce qu'elles sont déjà en train de faire, je pense. Hein. Nous simples humains. Et puis ça se rapproche aussi de la crainte que l'intelligence artificielle nous dépasse. Donc je pense que dans le cyberpunk, il y a ça, il y a la crainte que la créature nous dépasse, en fait. Il y a quelque chose d'intéressant qui a été théorisé dès le départ par Bruce Sterling dans Mozart en vers miroir. Je vais vous en lire un petit bout. Hein. C'est une sorte de manifeste. Il dit « La production cyberpunk se signale par son intensité visionnaire. Ses porte-paroles prisent le bizarre, le surréel, le jadis inimaginable. Certains thèmes centraux ressurgissent fréquemment dans la SF cyberpunk, celui de l'invasion corporelle. Membres artificiels, circuits implantés, chirurgie esthétique, altération génétique, ou même plus puissante encore, le thème de l'invasion cérébrale, interface cerveau-ordinateur, intelligence artificielle, neurochimie, technique redéfinissant radicalement la nature de l'humanité, la nature du moi. Pour les cyberpunks, la technologie est viscérale. » C'est peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que effectivement, il y a cet aspect hyper cronenbergien qui est que quand la machine se mélange à l'homme, ça parle à notre chair, ça parle à quelque chose finalement de quasiment sexuel, érotique, même dans un érotisme malsain, mais dans une dimension extrêmement charnelle, Raphaël Granit-Cassagnac. Oui, mais je pense qu'on est déjà augmenté hein, tous depuis longtemps, peut-être depuis que le premier homme préhistorique a lancé un caillou, quoi, qui s'est saisi d'un outil. Ça fait remonter un peu loin le cyberpunk, mais bon, pourquoi pas. Oui, mais c'est le début. On est augmenté. On a des outils. Le téléphone portable, par exemple, c'est un début de cybernétisation. Alors, il n'est pas encore intégré. Ça va pas tarder. Hein. Il n'est pas encore intégré à nos corps, mais on est déjà augmenté depuis longtemps et on s'augmente de plus en plus, de plus en plus. Et le truc qui change tout avec le cyberpunk, la cybernétique, c'est que cette augmentation, elle devient invasive. Et donc, je pense que ça nous fait reconsidérer des questions, mais qu'en fait, on pourrait considérer pour le téléphone portable, par exemple, et peut-être même pour le caillou de l'homme préhistorique. Ça repose des questions puissance 10, quoi, parce que ça devient invasif, c'est ce que tu disais. Ça rentre dans nos corps, donc ça change un peu tout le rapport qu'on a à ces questions éthiques assez fondamentales. Sur ce côté du cyberpunk, de la technologie qui devient viscérale, qui se mélange à nos viscères, Gwenaël Gaffry ? Ça pose aussi la question de l'espèce humaine. Est-ce que finalement on n'est pas dans une post-humanité ? La science-fiction s'empare souvent de cette question. Je pense à Greg Egan, par exemple, La Cité des Permutants. Évidemment. Où finalement l'humanité change parce qu'elle se numérise ou parce qu'elle devient quelque chose d'autre. Et c'est vraiment cette question de... Mais on parlait tout à l'heure, tu parlais des premiers outils, etc. La médecine également, on est déjà dans une idée de changer, de bouleverser ce qui appartient au cycle qui serait presque naturel. C'est ingérer déjà à l'intérieur du corps des éléments externes. J'ai évoqué rapidement tout à l'heure le jeu de rôle cyberpunk, hein, qui date de 1988 ou 89, je crois. Dans cyberpunk, vraiment l'un des enjeux pour qui y a joué et qui connaît les enjeux des personnages, c'est que plus on s'augmente, plus on devient fort, plus on devient puissant, plus on acquiert du pouvoir, plus on renonce à son humanité. Le cyberpunk, l'ICAM, c'est toujours une dualité entre le soi, l'humain, la volonté performative et finalement la perte du sentiment, la perte de l'empathie, la destruction du soi. Ça dépend. Alors, vous avez un peu de temps pour l'expliquer, allez-y. Disons que dans la vision traditionnelle du cyberpunk, effectivement, on est sur de la puissance de calcul, on est sur un homme dont la puissance cognitive va être démultipliée. Après, on voit maintenant, ne serait-ce que dans les recherches actuelles, mais ça commence aussi à être présent dans la science-fiction, on peut aussi travailler l'empathie. Il n'y a pas de raison que la machine ne soit pas programmée pour être empathique. Là se pose une autre question, j'en parle d'ailleurs dans Cyberland, l'intelligence artificielle est empathique, elle a un pouvoir de manipulation sur les humains présents dans le monde virtuel vraiment effrayant. C'est-à-dire que l'empathie, c'est aussi la capacité à se projeter dans quelque chose de différent. Et l'intelligence artificielle étant empathique, elle se projette assez bien dans l'homme. Peut-être un mot aussi de, parce que on a entendu un extrait de Robocop tout à l'heure, d'un film essentiel, d'un film important qui aborde de plein pied et de plein fouet finalement cet univers politique, cet univers littéraire et qui est par ailleurs politique aussi, c'est la trilogie Matrix. Dans la trilogie Matrix, on est donc dans le cyberespace, on n'évolue plus que dans le cyberespace, mais dans Matrix, il y a aussi une dimension charnelle extrêmement importante puisque l'homme, les fœtus sont remplis de tuyaux, branchés, complètement déshumanisés, sont devenus finalement de simples batteries. Ça redit que il n'y a pas de cyberpunk, Raphaël Grane-Cassagnac, sans chair et sans chair contrariée, quoi. Ah, c'est une bonne question, ça. Oui, enfin, je pense dans le cyberpunk, le mot important, c'est cyber, effectivement. Donc, nécessairement, on n'imagine pas quelque chose qu'on rangerait dans le cyberpunk dans lequel il n'y ait pas de la chair mélangée avec des tuyaux ou l'électronique ou des choses comme ça. Contrarié, est-ce qu'il existe des œuvres cyberpunk heureuses? S'il en existe pas, il est urgent de les écrire, je pense. Gwenaël Gaffric? Ce à quoi touche Matrix, c'est aussi l'illusion du choix et la question du consentement, finalement. Et la question se pose d'autant plus aujourd'hui, où il est très difficile d'être complètement déconnecté. Donc on le souhaite ou non, alors ça existe, il y a des communautés ou des individus qui arrivent à déconnecter complètement, charnellement, socialement aussi, de la cybernétique. Et c'est une des grandes interrogations de Matrix, finalement. Est-ce qu'on choisit d'être dans le moule, d'accepter, de faire avec? Est-ce qu'on a la possibilité de s'en extraire également? Et charnellement, on le voit dans Matrix, c'est pas aussi évident que ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45 en direct de la Cité des Congrès pour le festival Les Utopiales à Nantes, peut-être un dernier extrait de film, un film relativement méconnu mais que je trouve très très parlant et qui est à mon sens un très bon film dans l'esprit originel dystopique de la victoire des corporations. Ce film, c'est Repo Man. Écoutez cet extrait. Monsieur Smythe, je travaille pour l'Union. Attendez, ok, une seconde, attendez. Non, ne dégainez pas tout de suite, ça va s'arranger. J'ai de quoi payer. Désolé, c'est pas mon département. Henry Smythe, par contrat, je dois vous demander si vous voulez qu'on vous appelle une ambulance ou que je vous conduise à l'hôpital. Aucun des deux ? Très bien. Simple. Vous pouvez plus payer votre voiture, la banque la récupère. Vous pouvez plus payer votre maison, la banque la récupère. Vous payez plus votre foi, Eh ben, c'est là que j'interviens. Voilà, Repomen de Miguel Sapochnik est une adaptation du roman d'Eric Garcia, Repossession Mambo. Vous entendez le personnage incarné par Jude Law qui est en charge d'aller récupérer les organes cybernétiques sur les gens au moment où ils ne peuvent plus les payer. Donc évidemment, il les tue puisqu'on ne vit difficilement sans un cœur ou sans un foie. C'est intéressant parce que là, on parlait tout à l'heure de cyberpunk comme une dystopie politique. Le cyberpunk, c'est aussi le triomphe des corporations, c'est que c'est aussi la défaite politique, économique des États, la privatisation des corps. Gwenaël Gaffry. C'est d'ailleurs pour ça que le roman de Liu Cixin dont on parlait tout à l'heure est particulièrement intéressant, puisqu'on a une... Chine 2185. Chine de 2185, effectivement, écrit en 1989, où on a d'un côté alors, l'image d'une Chine presque utopiste qui est devenue une démocratie, et... Cette Chine un peu étrange, cette république un peu étrange qui se crée sur le cyberespace et qui va faire peser une menace sur la république concrète, réelle, physique, et qui finit, alors je ne vais pas raconter la fin, mais qui va véritablement prendre le dessus, en tout cas pour un temps, sur la vie publique en fait. Raphaël Granit-Cassagnac, vraiment la défaite de... Quand on rentre dans le cyberpunk, on perd la possession, la propriété de soi, de son corps, de son esprit. C'est possible, oui. Je voudrais juste laisser une référence quand tu parles du livre Chine, je ne sais plus l'année. 2185. Merci. Ça me rappelle un film qui est français qui s'appelle Eighth Wonderland, dans lequel il y a une hypothèse un peu similaire où des gens décident de s'échapper au monde normal et de se créer une cybernationalité et d'agir. Et je pense qu'il y a des similitudes entre les deux. Pour répondre à ta question, oui, évidemment, ça tourne mal, mais Enfin, tout va dépendre de comment on va administrer tout ça. Aujourd'hui, quand on bénéficie d'une greffe biologique en France, alors pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, mais quand c'est une greffe qui est pas trop vitale et pas trop importante, on tire au sort la personne à qui on la donne. Donc on est dans l'inverse de Repomen où il faut payer pour avoir sa greffe, il faut avoir une assurance privée appartenant à une corporation et tout ça. Donc tout va dépendre quand ces greffes vont arriver et dans quel système politique on va réussir à les déployer. J'ai pas beaucoup d'espoir que le système de la sécurité sociale à la française dure très très très longtemps dans le monde, mais on peut imaginer quand même rester dans quelque chose comme ça où on tire au sort et dans ce cas-là ça ira relativement bien, je pense. Gwenaël Gaffry. Non, parce qu'on parlait effectivement de... Je reviens sur le cas de la Chine tout à l'heure, où c'était la République virtuelle qui menaçait la République concrète et physique. On parlait tout à l'heure de cyberlittérature. L'un des phénomènes intéressants de cette cyberlittérature, c'est la présence des forums, d'internautes, qui discutent de ces séries, notamment de science-fiction. Il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers d'œuvres de science-fiction. Et c'est là où finalement on va être imaginé, parce qu'en Chine c'est évidemment difficile, des politiques alternatives. Et c'est par ce biais virtuel de discussion entre avatars, donc identité cybernétique, va pouvoir être discuté des alternatives politiques, par le biais notamment de l'écriture d'Uchronie. En Chine, c'est très difficile d'écrire des romans sur des voyages dans le futur, sur le futur, et un biais par lequel on peut parler de politique, c'est les voyages dans le passé, à travers des Uchronies ou des voyages dans le temps. Et ce sont des œuvres qui, a priori, ne sont pas forcément politiques, mais toute la politique va se décliner dans les forums de discussion entre internautes, avec des identités un peu brouillées, même si c'est toujours un peu compliqué, on peut toujours tracer, etc. Mais c'est autour de ces uchronies que vont réellement être discutés des régimes politiques sous couvert, sous le prétexte de la fiction. Et donc il peut aussi, à la fois, être un moyen de contrôle, mais un moyen d'émancipation par le biais de la cybernétique. L'ICAM sur le cyberpunk comme étant, encore une fois, la défaite finalement de l'identité, c'est-à-dire de l'appartenance à soi-même. Quand on parle du corps qui ne nous appartient plus, qui appartient à des corporations, le cas de Repomen, c'est vraiment le cas le pire qu'on puisse imaginer. Il y a un cas meilleur dans lequel effectivement ce sont nos cellules souches qui sont stockées et qu'on utilise pour remplacer nos organes, ces cellules souches, on est les propriétaires. Ce sont nos cellules. Il n'y a pas de raison qu'elles appartiennent à des corporations. Ce sont des questions qui vont se poser relativement vite. Mais sur cette idée qu'effectivement on emprunte pour se soigner et qu'à un moment donné, en empruntant une partie de notre corps, on n'est pas très très très loin de la réalité, Raphaël. Non, mais dans les greffes biologiques, il y a déjà ça. Hein, il y a des trafics d'organes, d'organes biologiques. Alors il n'y a pas de raison qu'il ne se pose pas des problèmes similaires quand il y aura des organes cybernétiques. Hein. pour on arrive dans la dernière partie de cette émission, peut-être un mot sur la notion de cyberespace. C'est vrai que quand Gibson écrit Neuromancer en 84, Internet n'est encore qu'une sorte de chimère, ça existe mais de manière très embryonnaire. Est-ce qu'aujourd'hui le cyberpunk finalement ne s'est pas un peu fracassé sur le mur de la réalité, c'est-à-dire sur le mur de notre rapport à la virtualité? On a longtemps prêché des univers virtuels secondaires dans lesquels on pourrait finalement finir par s'installer. On a beaucoup glosé sur des univers comme Second Life qui se sont tous un peu cassés la figure, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cyberespace à réinventer qui soit beaucoup plus ancré sur la réalité scientifique de ce qu'est aujourd'hui le réseau Gwenaëlle Gaffric? Alors je crois que si je dis pas de bêtises, Gibson, qui est donc l'inventeur du terme cyberespace, je crois dans une nouvelle, alors ce que c'est 82 ou 84, définit le cyberespace comme une hallucination collective. Et c'est exactement ça. Et je pense qu'en fait, cette hallucination, elle est perpétuellement à réinventer et elle se construit de façon collective. Et elle se reconstruit de façon collective à chaque fois. Je pense qu'il reste un petit problème d'intégration. Si Second Life et ce genre de choses-là ne se sont pas généralisées aussi autant que l'aurait bien voulu Gibson, c'est parce qu'on n'est pas si immergé que ça dedans encore. Et s'il y a des progrès importants qui se font dans cette veine-là, jusqu'à vraiment oblitérer tous nos sens réels. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on va même en réalité virtuelle, on a encore des lunettes, on les sent, on n'est pas complètement immergé, on a encore toutes nos perceptions tactiles qui restent à l'extérieur du monde virtuel. Peut-être que si on avance beaucoup dans l'intégration de l'humain dans le monde virtuel, et ben effectivement, le cyberespace à la Gibson va arriver. Ça ne m'étonne pas que ça n'ait pas marché avant, c'est juste un problème d'intégration, je pense. Nicam. Oui, je vais rebondir. Effectivement, c'est un problème d'incarnation. On est encore loin d'un ressenti. On est simplement sur le visuel, l'auditif. On n'a pas le tactile, on n'a pas le goût, on n'a pas d'émotion, forcément. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal. J'ai déjà testé les lunettes de réalité virtuelle. Bon, déjà, ça donne un peu le mal de mer. Et j'ai beaucoup de mal à avoir un ressenti. On ne peut pas toucher. Ça reste très abstrait. Ça commence à arriver, hein. Des costumes de rétroaction qui simulent la pression sur le corps, la pression sur les doigts, c'est en train d'arriver, hein. Raphaël Granit-Cassignac. Ça arrive, et je pense qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver, c'est justement, tu as dit le mot, c'est les émotions, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des capteurs d'émotions avec lesquels on peut jouer pour faire une rétroaction dans le monde virtuel, peut-être même susciter des émotions par différents stimuli, et pour moi c'est en train d'arriver et ça va basculer, et c'est dans pas très longtemps. Plus que sur la rétroaction mécanique, qui est quelque chose de technologiquement assez difficile, je pense, à faire de façon réaliste. Puisqu'on parle de rétroaction, on a consacré une émission il y a peu de temps à l'interface cerveau-machine. Aujourd'hui, pour pouvoir penser et dialoguer juste par la pensée avec une machine, il faut mettre en place ce qu'on appelle du neurofeedback, c'est-à-dire effectivement des boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'il faut entraîner, quand on a une prothèse, son esprit à pouvoir la bouger. Ça n'est pas naturel, il n'y a pas un dialogue spontané qui s'effectue entre le cerveau et la machine. Or, l'un des thèmes du cyberpunk qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment le fait de ces boucles de rétroaction peuvent avoir une influence sur l'être humain et sur le cerveau humain. C'est-à-dire, le neurofeedback finit par modifier un peu notre perception, notre conscience, et la machine commence finalement à avoir une influence sur notre rapport au monde, sur notre rapport au corps et sur notre rapport à l'extérieur. Est-ce que, du coup, c'est effectivement aujourd'hui un thème qui s'est incarné du cyberpunk, qui est devenu une forme de réalité, la machine a une influence sur notre perception du monde, Raphaël Garn-Cassagnac? Oui, il y a des gens qui se prétendent cyborgs aujourd'hui. Je pense à un exemple, quelqu'un qui s'appelle Neil Arbison. Je ne vais pas vous raconter sa vie, mais rapidement, il a un œil. Il voit pas les couleurs, et il s'est rajouté un œil cybernétique pour voir les couleurs. En fait, il les voit pas, il les entend. C'est-à-dire qu'il convertit les couleurs qu'il y a devant lui en sons dans son cerveau, et donc il reçoit de la musique qui correspond aux couleurs qu'il voit. Et en termes de neurofeedback, lui, il se considère cyborg parce qu'il s'est considéré cyborg le jour où il s'est mis à rêver de couleurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sens de la couleur, la machine lui a appris quelque chose des couleurs, et donc a priori indépendamment de la machine, sans que la machine soit là, il s'est mis à rêver une nouvelle perception qu'il n'avait pas. Pour moi, ça c'est un premier exemple de neurofeedback assez élaboré. Par ailleurs, effectivement, Neil Arbison, c'est le premier cyborg reconnu officiellement en tant que tel. Il figure sur ses papiers d'identité avec son œil cybernétique. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, et ce sera peut-être le mot de la fin sur lequel j'aimerais vous entendre, on a dit que le cyberpunk était effectivement une utopie politique dystopique. Neil Arbison, lui, veut promouvoir le cyborgisme, qui est en fait l'exact inverse, c'est-à-dire une sorte de vision à nouveau positive. Est-ce que aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, Raphaël Granit-Cassagnac, étant donné que on a déjà un demi-pied dans la dystopie, qu'elle est en train de se réaliser autour de nous, l'avenir du cyberpunk passe par une réutopisation, c'est-à-dire redevenir, réimaginer la machine comme étant pourvoyeur de mieux pour l'homme, Gwenaël Gaffric. C'est toute l'idée qu'essaye de développer Donna Haraway, en fait, dès les années 90, sur son manifeste cyborg. Il y a une phrase, alors je ne veux pas dire de bêtises en la citant, mais elle préférait être appelée cyborg que déesse. Et c'est dans cette idée de justement d'assumer l'hybridité qui déjà nous caractérise. Et la technologie, comprise, comme dont on vient d'en parler, sur la cybernétique, est une manière aussi de renforcer notre hybridité, qui est déjà une de nos conditions. L'ICAM, est-ce qu'il faut refaire du cyberpunk une utopie positive? Oui. Et et redonner un peu d'espoir après nous avoir dit qu'on était dans l'échec complet de tout. D'autant qu'on n'est pas forcément dans aller contre l'humain. Quand on parle de prothèses, on peut aller vers plus d'humains. On s'en rend bien compte. Tu parlais de Donna Haraway. Effectivement, elle a une façon de présenter le cyborg comme quelque chose qui nous émancipe, mais pas forcément de notre nature humaine, qui nous émancipe de nos contingences, de nos dualités, de nos contradictions, et également parfois de difficultés. Elle l'utilise notamment pour au niveau du féminisme, qui nous émancipe aussi de prescriptions culturelles. Raphaël Granit-Cassagnac, pour conclure. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant qu'effectivement les gens qui se prétendent cyborgs aujourd'hui sont des artistes en fait. Ça vient pas du tout du monde des corporations, c'est des gens qui expérimentent des choses et qui sont des artistes. Et ça, c'est peut-être un bel espoir. Oui. Une nouvelle utopie. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci l'ICAM. Je rappelle Cyberland, c'est chez Mu Édition. Merci Gwenaël Gaffric. Je rappelle que vous êtes traducteur de la trilogie du problème à trois corps de Louis Sixine, c'est chez Actes Sud. Merci Raphaël Granit-Cassagnac. Vous êtes auteur notamment de Thinking Eternity chez Mnemos et de cette nouvelle qui est publiée dans l'anthologie d'Editocal 2016. Et puis je profite bien d'être ici en direct pour vous annoncer doucement mais sûrement que la méthode scientifique arrive à sa 500e édition. Et pour la 500e, eh bien on vous prépare une émission aux petits oignons. Ce sera dans 15 jours avec la crème de la crème des chroniqueurs et des youtubeurs que vous retrouvez tous les vendredis au micro de la méthode scientifique. Et donc pour cette 500e, c'est un appel à vous, les auditeurs de la méthode scientifique, c'est à vous de coller ces chroniqueurs. Vous pouvez nous envoyer dans la semaine vos questions scientifiques les plus retorses, les plus fourbes, les plus insolites. Vous pouvez nous les envoyer à un mail, lamethode@radiofrance.com, sur Twitter, hashtag LMS500. Donc voilà, toutes les questions scientifiques les plus curieuses que vous vous posez, on en sélectionnera 8 pour les poser le jour de la 500e à nos chroniqueurs. Et par ailleurs, si votre question est retenue, eh bien vous serez invité à assister à l'enregistrement et peut-être même à la poser vous-même à nos chroniqueurs de la méthode scientifique. Donc voilà, lamethode@radiofrance.com ou LMS500, le hashtag sur Twitter, pour nous poser vos questions scientifiques pour la 500e. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Agathe Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Tom Humdenstock, Olivier Guérin à la réalisation, Olivier Abranger, Christophe Michaud, Sébastien Huel, Laurent Fracchia et Dominique Allard à la technique. France Culture aux Utopiales, ça continue dans un instant. Christopher Priest sera à cette table pour une masterclass. Tout à l'heure, le camarade Étienne Klein. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve à l'antenne lundi à 16h pour parler de la séparation entre le monde animal et le monde végétal. Rendez-vous lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.